L'Istituto Geografico De Agostini presenta Il francese per te. Troisième niveau. Unité 73. Prise de parole. Importante modification. Vous allez écouter et répéter maintenant les phrases suivantes. Nous venons donc de terminer le deuxième niveau. Est-ce que tu te sens capable d'affronter le troisième et dernier niveau? Je ne sais pas. Sais-tu s'il y a d'importantes modifications? Si j'ai bien compris, tous les textes seront maintenant en français. En français? Est-ce que la grammaire sera aussi en français? Non, rassure-toi. Les explications de grammaire seront encore en italien. Si nous prenons l'habitude de ne lire que des textes en français, alors nous aurons peut-être envie de lire des journaux et des revues français. Tu ne crois pas? Oui, mais ça me fait quand même un peu peur. Tu te sens capable, toi, d'y arriver sans problème? Sans problème, non. Mais tu verras qu'à la fin de ce troisième niveau, ça ira beaucoup mieux. Les textes en français et la grammaire en italien, ça me semble une excellente idée. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui. Et tu crois qu'à la fin de ce cours, nous parlerons français comme les Français? Pourquoi pas? Les textes ne sont plus en italien, tu as vu? Moi, je suis un peu perdue. Et toi? Comment as-tu réagi quand tu t'en es aperçu? Très bien. Et puis, je n'ai eu aucun problème à comprendre ce que je lisais. C'est bon signe. Moi non plus. Je n'ai pas trouvé de difficultés énormes. Mais quand on abordera des arguments plus précis, tout risque de se compliquer. Quel est ton avis? On verra. De toute façon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tu te rappelles? Prise de parole. Un exercice supplémentaire. Voici maintenant quelques phrases concernant les nouveautés du troisième niveau. En quoi consistent exactement les surprises que nous réserve le troisième niveau? Les textes, tu le sais, sont en français. Et l'esprit de la section consacrée au vocabulaire aussi a un peu changé. L'important, pour moi, c'est que cette section, au moins, existe toujours. Oui, mais elle ne comportera que les mots difficiles de l'unité, que nous les connaissions déjà ou pas. Les mots qui présentent des problèmes pour la formation du pluriel ou du féminin. Peut-être aussi les mots difficiles à écrire ou à prononcer. Je ne sais pas. Et les autres? Les mots nouveaux, plus faciles, mais que nous n'avons jamais rencontrés auparavant? On utilisera un dictionnaire. Je suis d'accord, oui. Il est temps pour nous de nous habituer à consulter un vrai dictionnaire. Mais je me sentirais plus à l'aise si on nous conseillait aussi un dictionnaire français-italien plutôt qu'un dictionnaire français-français. Ce serait trop facile. Un dictionnaire français nous obligera à lire les définitions en français. C'est un exercice supplémentaire qui ne coûte rien et qui nous permettra aussi de progresser encore plus vite. Aie confiance. Peut-être qu'une définition donnée en français pour des Français enrichira encore notre vocabulaire. Pourquoi? Parce que si tu lis celle du petit Robert, par exemple, tu te rendras compte qu'elle donne aussi les synonymes du mot qui t'intéresse, ses homonymes, s'il y en a, et ses contraires. Nous avons à peine commencé à parler français. J'ai peur, moi, de ne pas être capable d'affronter ce troisième niveau. Moi aussi, je n'ose pas y penser. Enfin, l'important, c'est d'essayer. Prise de parole. Avec beaucoup plus de plaisir. Vous allez écouter et répéter quelques phrases qui annoncent les thèmes des prochaines unités. Tu ne t'es pas demandé, toi, quels seront les thèmes des prochaines unités? n'avons-nous pas déjà parlé de tout? La cuisine, la justice, la littérature, le sport, les sciences, la nature, la santé? On reprendra tous ces thèmes, mais on les regroupera sous des titres plus généraux. Cela nous permettra de les enrichir et de leur faire perdre peut-être aussi leur aspect un peu didactique. Ne t'es-tu jamais aperçu que lorsqu'on étudie une langue en l'abordant sous des aspects thématiques, on travaille avec beaucoup plus de plaisir? Tu as raison, mais tu penses que nous aborderons encore le thème de la justice? Oui, et ce thème comprendra aussi les questions bureaucratiques. Nous parlerons encore de littérature. Ne te réjouis-tu pas? Si. Et au sein de la même unité, nous évoquerons aussi le monde du théâtre et de la musique. Ne penses-tu pas que c'est une excellente idée? Effectivement. Ne t'es-tu jamais intéressé de savoir quel était le plus grand avantage d'étudier une langue par thème? C'est évident, de ne jamais s'ennuyer, voyons. Prise de parole. Mon accent italien. Vous allez essayer de dresser une espèce de bilan à la fin du deuxième niveau. Vous allez donc écouter et répéter les phrases suivantes. Tu n'es pas capable, dis-tu, de lire un article de journal sans problème? En français? En français, bien sûr. Ça dépend. Il y a toujours deux ou trois mots qui m'échappent. Mais avec le contexte, je finis toujours par me débrouiller. À la fin du deuxième niveau, pensait-il, je pourrais soutenir une conversation en français sans problème. Surtout si j'ai étudié avec une certaine assiduité. Moi, je n'arrive pas à me libérer de mon accent italien, disait-il. Je ne sais plus comment faire. Ce n'est pas grave, répondait son frère. Il faut essayer de le rendre le moins perceptible possible, c'est tout. J'arrive maintenant à m'exprimer assez correctement, pensait-il. Mais il me manque encore une certaine facilité d'élocution. Je ne vois qu'une solution, dit-il alors à son copain. Parler le plus possible avec des Français ou essayer de capter des émissions de radio ou de télé en français. On peut aussi acheter des enregistrements de chansons, lui répondit son copain. C'est plus facile et plus agréable. Nous sommes arrivés à la fin du deuxième niveau et nous devrions être en mesure de nous exprimer en français sans trop de difficultés, me dit-il. Oui, lui ai-je répondu, mais nous avons besoin d'acquérir une certaine facilité de parole et c'est un des buts que s'est fixé ce troisième niveau. Ne croyez-vous pas qu'à la fin des 24 unités, nous dit-il, nous parlerons français comme de vrais français? N'exagère pas, avons-nous tous répondu. Nous parlerons français presque comme de vrais français. Écoute, il faut aller jusqu'au bout. Vous allez écouter avec attention les phrases suivantes. Puisque notre français est désormais correct, je ne vois pas pourquoi je me fatiguerais encore à étudier. Pour pouvoir t'exprimer d'une manière plus française. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il existe quand même une belle différence entre le français scolaire et celui qu'on parle à Paris ou à Lyon. Et alors? Et alors, au moins pour ce qui me concerne, quand on a commencé un travail, il faut aller jusqu'au bout. On peut comparer une langue à une voiture, dis-tu. Je suis parfaitement d'accord. Et puis ce n'est pas parce que nous connaissons par cœur le code de la route que nous avons nécessairement une conduite agréable. C'est une question de choix, c'est vrai. Et puis entre nous, le plus gros est fait maintenant. Nous avons toutes les bases grammaticales nécessaires pour affronter avec sérénité ce troisième niveau. Encore un peu de courage, allez. Il ne nous reste plus qu'une vingtaine d'unités avant la fin du cours. Encore une vingtaine d'unités? Et ça ne t'effraie pas? Pourquoi veux-tu que ça m'effraie? Au contraire, dans quelques mois, nous serons capables de nous exprimer et de comprendre sans aucun problème. Ça ne te réjouit pas? Si, bien sûr. Un peu plus d'enthousiasme alors. Allez! Conversation. Salaud. S'il vous plaît. Chut! Madame, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qu'il y a à la fin? Je n'arrive pas à comprendre tous les dialogues de ce film. Et alors? Vous pourriez me donner un coup de main? Monsieur, si vous ne comprenez pas le français, alors pourquoi êtes-vous venu assister à la projection d'un film en français? Je comprends le français, madame. Enfin, presque tout. Mais les acteurs parlent trop vite. Ils mangent leurs mots. Et je crois comprendre que parfois, ils parlent en argot. Et c'est le premier film en français que vous voyez? Oui. Ça promet. Comment? Non, rien. Écoutez, je ne peux pas vous servir d'interprète. Ce film m'intéresse beaucoup. Et si vous m'interrompez toutes les 5 minutes pour que je vous traduise une phrase, je ne vais plus rien y comprendre, moi. Ne vous inquiétez pas, madame. Je vous demanderai la traduction des mots que vraiment je ne réussis pas à comprendre tout seul. Bon. Madame, excusez-moi, mais qu'est-ce que ça veut dire, salaud? C'est une personne très, très méprisable. Ah bon? Je n'ai jamais rencontré ce mot-là dans mon cours de français. Ce n'est pas étonnant, monsieur. C'est un gros mot. Un quoi? Un gros mot. Une insulte, monsieur. Et je ne pense pas que dans votre cours de français, on vous enseigne à insulter les gens. Non, vous avez raison. Mais c'est une erreur. À mon avis, une insulte, c'est tout aussi utile que le subjonctif ou les pronoms possessifs. Écoutez, monsieur, je n'ai pas acheté un billet pour vous entendre parler de votre cours de français, mais pour voir le film qu'on est en train de projeter sur cet écran. C'est clair? Madame. Ça suffit. Madame, s'il vous plaît. Non, c'est non. Autre chose. Bon, nous allons vérifier maintenant si notre cours de français nous a enseigné quelque chose ou non. Ouvre le monde. À quelle page? À n'importe quelle page, voyons. Voilà. Bien, c'est un article sur quoi? Sur le chant des baleines. Non, c'est un argument trop spécifique. Cherche autre chose. La construction du tunnel sous la Manche. Ça aussi, ça risque d'être trop technique et de nous décourager à la première ligne. La dévaluation du franc, ça te va? Nous avons lu, si je me souviens bien, une unité qui parlait d'économie. Oui, mais ça ne m'intéresse pas, l'économie. La publicité? Non, la publicité, non. Les cours de la bourse? Tu plaisantes? Alors quoi? Écoute, prends ce magazine, ce sera plus facile. Ouvre-le à la page... à la page 40. Et lis-moi ce qu'il y a. Page 40... Attends, oui, page 40. Alors? Ne me dis pas que c'est encore un article sur les baleines ou sur la bourse. Non, c'est le programme de télévision. Ouais, je crois que c'est la meilleure chose à faire. Allumer la télé, se brancher sur Antenne 2 et essayer de comprendre ce qu'on y raconte. Qu'est-ce qu'on diffuse maintenant sur Antenne 2? Un documentaire sur le Parlement européen. Et que cela t'intéresse ou pas, nous allons nous asseoir et le suivre jusqu'à la fin. C'est normal. On n'en finit vraiment jamais d'apprendre une langue. C'est vrai. Quand on a l'impression de pouvoir s'exprimer correctement, il y a toujours quelqu'un pour vous dire que vous pouvez encore faire des progrès. Mon problème, c'est l'accent. Je n'arriverai jamais à parler français comme un français. C'est normal, ça. Et puis, ce n'est pas important. Comment ce n'est pas important? Je n'ai pas du tout envie d'être ridicule quand je devrais parler français à un français. Mais tu ne seras pas ridicule, voyons. Un Africain qui parle italien avec son accent africain, ça ne te fait pas rire? Et un Chinois? Et un Russe? Oui, enfin, ça dépend. Tu vois? Alors? Alors, on n'en finit jamais d'apprendre une langue. Exercice. Dictée. J'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles, virgule. Ainsi dites voyelles parce qu'elles expriment les voix, point virgule. Et en consonnes, virgule, ainsi appelées consonnes parce qu'elles sonnent avec les voyelles, virgule. Et ne font que marquer les diverses articulations des voix. Point. Il y a 5 voyelles ou voix. 2 points. A, virgule, E, virgule, I, virgule, O, virgule, U, point, à la ligne. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche, deux points. A, point. La voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut, deux points. A, virgule, E, point. Et la voix I en rapprochant encore davantage les mâchoires l'une de l'autre, virgule, et écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles, deux points. A, virgule, E, virgule, I, point. Exercice. Vous êtes-vous senti un peu dépaysé? Ne vous êtes-vous pas senti un peu dépaysé? Te sens-tu capable d'aborder le troisième niveau? Ne te sens-tu pas capable d'aborder le troisième niveau? Es-tu rendu compte que les textes sont en français? Ne t'es-tu pas rendu compte que les textes sont en français? Avons-nous déjà parlé de tout? N'avons-nous pas déjà parlé de tout? Vous êtes-vous demandé quels seront les prochains thèmes? Ne vous êtes-vous pas demandé quels seront les prochains thèmes? A-t-elle bien répondu aux questions? N'a-t-elle pas bien répondu aux questions? Êtes-vous capable de lire un article du Monde? N'êtes-vous pas capable de lire un article du Monde? Croyez-vous que nous parlerons français parfaitement? Ne croyez-vous pas que nous parlerons français parfaitement? Vous intéressez-vous à la politique? Ne vous intéressez-vous pas à la politique? Avez-vous compris ce que je vous demande? N'avez-vous pas compris ce que je vous demande? Unité 74. Prise de parole. Trois étoiles. Vous allez écouter et répéter les phrases suivantes concernant les hôtels. Je dois aller à Paris pour quelques jours. J'aimerais bien que tu puisses m'accompagner. À Paris? Pour quelques jours? Mais bien sûr, je suis d'accord. Et tu as déjà pensé à réserver une chambre? Je n'ai pas encore eu le temps d'y penser. Tiens, voici un guide des hôtels de la ville. Si tu veux, nous pouvons choisir ensemble. Un hôtel de luxe ou un 3 étoiles? Le palace n'entre pas encore dans mes possibilités financières. Cherchons quelque chose de plus simple, tu veux? Tu sais ce qui m'est arrivé l'année dernière à Marseille? Non, raconte. Je ne parlais pas encore un seul mot de français. Et j'ai débarqué à l'hôtel de ville avec toutes mes valises. Je pensais que c'était un véritable hôtel. Quelle honte! Oh, c'est comme si tu t'étais présenté à l'hôtel Dieu ou à l'hôtel des ventes avec tous tes bagages. Tu as dû penser que les hôtels en France étaient un peu bizarres. Il y a énormément de monde dans cet hôtel. Il y a beaucoup de clients, c'est vrai. Je ne parlais pas des clients, mais du personnel. Il y a des femmes de chambre partout, des garçons d'ascenseur dans tous les ascenseurs. Quel luxe! Espérons quand même qu'il n'y ait pas de rats d'hôtel. Des rats, ici, ça m'étonnerait. Non, les rats d'hôtel sont des cambrioleurs qui se sont spécialisés dans les vols dans les grands hôtels. Ils sont très habiles. On dit qu'aucune serrure ne leur résiste. Il y a des rats partout à Paris. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, des rats d'hôtel dans certains palaces, des rats de bibliothèque à la Bibliothèque nationale et des petits rats à l'opéra. Moi, je n'ai jamais vu aucun rat de cette espèce. Je me moque de toi, voyons. Ne me prends pas toujours au sérieux. C'était une manière de parler de certains cambrioleurs, des gens qui passent leur temps sur les livres et des petits danseurs de l'opéra. Prise de parole. La spécialité de la maison. Voici quelques phrases concernant les restaurants. J'ai l'estomac dans les talons. Si nous cherchions un bon petit restaurant. Bonne idée. Moi aussi j'ai l'estomac vide. Et je n'ai qu'une envie, me mettre à table le plus tôt possible pour pouvoir enfin apaiser ma faim de loup. Vite, garçon, apportez-moi le menu, s'il vous plaît. J'ai une de ces faims. Vous désirez le menu touristique ou le plat du jour? Quelle est la spécialité de la maison? Le canard à l'orange, monsieur. Alors, un canard à l'orange et un bon petit vin du pays. Je suis tellement gourmande que j'ai l'eau à la bouche même quand je lis un menu ou une recette. Tu te rends compte? Ce n'est pas normal, ça. Mais si c'est normal, ne t'inquiète pas. Cela signifie que tu es en bonne santé. On ne peut pas inviter Pierre n'importe où. C'est un gastronome, tu sais. On m'avait dit que c'était un gourmet, oui. Il ne mange pas pour se restaurer ou pour reprendre des forces. Non, il goûte à tous les mets qu'on lui présente avec une extrême délicatesse et souvent, il choisit les spécialités locales. C'est un connaisseur, un grand connaisseur. Mais je n'ai jamais commandé tout ça, moi. Dehors d'œuvre, jamais de la vie. Faim, moi? Mais vous plaisantez. J'avais demandé une escalope, c'est tout. Et non seulement ça fait 20 minutes que j'attends, mais en plus, vous vous trompez. Je n'ai jamais vu nulle part ailleurs un service aussi lent. Personne ne vous a donc jamais dit que le client est roi? Je n'ai jamais été aussi mal servi de ma vie. Ah, je m'en souviendrai. Vous reprendrez un peu de vin, monsieur? Un peu de fraises? Du café? Prise de parole. Une invitation pour deux. Vous allez écouter et répéter des phrases concernant certaines manifestations culturelles. Tu as l'horaire des musées? Voilà. Mais il faudrait aussi demander à quelqu'un s'il n'y a pas de grève en cours. L'année dernière, j'ai eu malheureusement cette mauvaise surprise. C'est vrai, tu as raison. Il ne faut jamais rien négliger quand on est à l'étranger. Oui, ne jamais rien oublier. C'est le secret des vacances complètement réussies. Tiens, c'est la liste des expositions de peinture pour ce mois-ci. Il y a quelque chose qui t'intéresse? J'ai autre chose à te proposer. Regarde. Qu'est-ce que c'est? C'est une invitation pour deux à un vernissage dans une grande galerie de peinture. Ça te va? Merveilleux! Je n'avais jamais été invité à aucun vernissage auparavant. Qu'est-ce que c'est beau! Tous ces gens, ces tableaux, les journalistes, les photographes, il y a même la télévision, tu as vu? Je n'avais jamais eu l'occasion de voir des tableaux hyper réalistes. Et personne ne m'avait jamais parlé de cet artiste. C'est vraiment très intéressant, tu ne trouves pas? Ah, Paris! Paris! C'est une ville qui nous offre des choses que nous ne trouverions nulle part ailleurs. Et si on restait encore quelques jours? Si je pouvais, ce serait avec grand plaisir. Malheureusement, je dois être au bureau lundi matin. prise de parole. Comme ça, on n'y pensera plus. Les phrases suivantes concernent les moyens de transport que l'on peut trouver dans une ville. Il fait froid aujourd'hui. Je n'ai pas du tout envie d'attraper la grippe en sortant. Et puis, le Louvre, ce n'est pas tout près. Prenons l'autobus. L'autobus? Non, je préférerais le métro. C'est plus rapide. De cette manière, nous éviterons aussi les embouteillages. Se déplacer à Paris aux heures de pointe, c'est l'enfer. Tu as raison. Métro, boulot, dodo, pas de sang en vacances. Donne-moi un peu d'argent. Il faut que j'achète un ticket de bus. De métro. Un ticket de métro. Oui, pardon, c'est ce que je voulais dire. Tu as un billet de 100 francs? 100 francs pour un ticket de métro? Je vais prendre une carte d'abonnement. Comme ça, on n'y pensera plus. Attends, il faut un ticket de quai pour pouvoir avoir accès au quai, justement. Il m'en reste peut-être quelques-uns. Ah non, ce sont des billets pour l'autobus, un billet pour le concert de demain, les billets de théâtre de la semaine dernière et un vieux billet de loterie. Donne-moi donc un billet de banque que je puisse acheter de vrais tickets. Ah non, les transports publics, non. J'ai horreur de ça. Prenons plutôt un taxi. Et si on louait une voiture? Tu connais Paris, toi? Non. Alors on va se perdre. C'est idiot. On pourrait louer une voiture avec chauffeur. Ah, ce n'est pas bête, ça.